Marseille, c'est The Wire. J'prends une loque et deux, trois potes, j'traverse la Belgique, j'vais à Amsterdam. Le lendemain, j'suis en showcase dans le jacuzzi à Rotterdam. J'fais la fête, j'fais pas la tête, c'est occasionnel, j'bois des verres d'homme. J'mets première et j'accélère, sur bitume, j'arrache la gomme. Joujoujou, le nouveau style, 2018, on change la donne. Tu veux ma vie, tu l'auras mes soucis. J'aime, prends-la, j'te la donne. C'est qu'elle michetonne, si elle veut passer ses nuits au Sheraton. T'as tout claqué, elle t'a quitté, toi qui croyais avoir trouvé la bonne. C'est la zone, frangin, moi j'ai peur personne. J'fume toute ta plantation et en plus j'me fais que des gros persos. CBR, tu sois au taf ou poser pépère, ou dans le quartier à faire des roues arrière. Pour ce qui mène la voiture travers, traction avant ou traction arrière. C'est quand tu l'as, j'ai fait 15 albums. Va falloir taffer si tu veux ma carrière. Non, je me prends pas pour un carrard. Représente Marseille comme Cara. Même en fumette, je fais des choses carrées. Y'a plein de trahisons, c'est des choses qui arrivent. C'est mon pote, donc s'il te plaît, parle pas quand il est pas là. Tu continues, tu me casses les couilles. Ben va le voir en face dans ces cas-là. Je pense à tout, je suis dans ma bulle. Je suis tout sous marijuana. Arrête de croire que ta clique c'est le cartel de Tijuana. Espidailleur, Marseille c'est The Wire. J'allume mettre l'œil, j'passe en bolide, je fous le wire. Espidailleur, Marseille c'est The Wire. Ils sont la haine, moi j'calcule pas, je fais mes pailles. On a deux bras, on a deux jambes. Moi ma team c'est doré de platine. Une phrase ils comprennent si je te l'ai pas dit. Moi et eux pas besoin de télépathie. Marseille c'est The Wire. J'ai jaloux mec là, j'passe en bolide, je fous le wire. Espidailleur, Marseille c'est The Wire. Ils ont la haine, moi j'calcule pas, je fais mes bails.